vrai que je me sens écarté. Pas beaucoup de potes avec les filles. Peu de codes, c'est pas une plainte. Pourquoi l'on plaigne comme le villa Calimero, plein de peine. Mais me soulage en crache, en toute ma rage. Je sais pas ce que me prévoit l'avenir. Mais ce que j'ai le plus besoin, je le sacrifie. C'est rencontrer la fille qui partagera ma vie. Pas une allumeuse, mais une fée si merveilleuse. En accord, un cœur de zone, heureux. J'aurais tellement, mais j'en ai marre d'attendre pour le talent. Mais pourtant, c'est impatient, passant la gloire. Prends le temps que je l'attends. Ça n'arrivera jamais instantanément. Ce qui m'angoisse, c'est de savoir quand tout arrivera. Et même une peur qui me hante. Est-ce que ça arrivera? Ma mère me dit d'être patient, toujours assez optimiste. Plus les futurs qui arrivent d'huile. Trop de barres m'ont rempli d'espoir. Mais trop de larmes m'ont rempli de harmes. En contradiction, mais de face et guerroyes. En guerre intérieure, c'est de cette paix dont j'ai besoin. Même si le fou a compté toutes mes peurs. Pas besoin de peine, pas besoin de toutes ces faiblesses. Rien ne m'arrête, je veux m'échapper de cette fosse. Arrêter de vivre par défaut, dans le faux. Je serai plus faire en scapot. Pour que seul l'amour devienne mon unique force. Je veux une femme mûre dans mon cœur. Cela tue une certitude, ma chair me mange. Et des choses obscènes qu'à ma volonté sont contraires. Qui recouvrent mon esprit d'une couche épaisse. Et du brouillard, du diable qui m'écarte de la bonne voie. Je dois avoir une bête de personnalité. Je continuerai à me battre au nom de ma liberté. Je suis pas là pour mourir bêtement. Si je suis là, c'est qu'une tâche m'a été confiée. Que mourant, ce monde passe au vivant. Ce dont j'ai besoin, c'est de beaucoup de soutien pour aller au bout de mon but ultime. C'est de faire sortir le genre humain. Et je pense ça de ma princesse. J'ai besoin, j'irai au bout et avec soin. Je signale que je serai sain et sauf et que j'arriverai. Même si des obstacles voudront m'en empêcher. Ce dont j'ai besoin. Mon chemin, ma voix, ma vie, mon destin, de vivre un avenir complètement sain. Sois la lumière du qui va avec la rage, je te vainque, je compte bien les vaincre, toutes ces peurs qui bloqueront mon chemin. Pas besoin de peine, pas besoin de toutes ces faiblesses. Rien ne m'arrête, je veux m'échapper de cette fosse. Arrêter de vivre par défaut, dans le fond. Je serai plus faire en scaphot. Pour que seul l'amour devienne mon unique force. Mon unique force. Arbiteur, ce dont j'ai besoin.